Si on m'avait dit il y a quelques semaines que je ferais plus d'une heure de trajet, que je prendrais le vélo, le bus, que je changerais trois fois d'arrêt, que j'investirais de l'argent pour aller voir un film avec Jean-Marie Bigard en tête d'affiche, je pense que j'aurais rigolé très fort. Rigolé des larmes, mais rigolé quand même. Ressenti à chaud et en quelques minutes sur un film dont personne ne parle et dont tout le monde se fout, sauf moi. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros. Osef le podcast, le podcast des films. En plein dans la chatte, là. Alors, hé, vous voulez que je lui en fasse encore une paire d'autres? Vos gueules, les blaireaux. Jean-Marie Bigard, c'est ce tonton sympa, mais un peu relou, qui peut pas s'empêcher de vouloir faire rire tous ses copains, au risque de faire lever les yeux au ciel de certains. Noyé par le monde contemporain et l'évolution de ses mœurs, JM reste ce gros ours certes talentueux, mais dont l'époque a complètement ringardisé ses blagues de prout. Du coup, quand j'ai vu qu'il sortait une comédie sur les petites gens victimes du marché du travail, j'ai pas pu résister à l'envie de voir ce film. Ou alors, c'est juste la curiosité morbide qui m'a poussé au cinéma aujourd'hui pour voir Vive la crise, comédie de Jean-François Dévy avec Bigard. Bigard qui a réussi à incruster sa femme, Lola Marois, dans cette galère, totalement QLF au JM. L'autre rôle principal étant tenu par Jean-Claude Dreyfus. Vive la crise, film... J'allais dire QLF, film OSEF ou pas, c'est ce que... on verra. On peut pas savoir avant. Money on my motherfucking mind. Cut five haircuts at the same time. Premier but, premier échec. Ça va être une galère. Petite astuce pour ceux qui voudraient aller au Cinépole Sud. C'est un cinéma en périphérie de Nantes. Parce que bien sûr, le film passe pas dans le centre, ni dans les UGC environnants. Alors l'astuce, c'est que sur le site, c'est marqué ligne 2, accès par le bus. Mais la feinte, c'est qu'en fait, faut prendre le ligne 2, le tram. Et oui, c'est une petite nuance comme ça qu'on saisit pas dès le premier coup. Allez, il n'y en a plus que pour une heure de trajet. Bon, spoiler, je vais être en retard à la séance. Nouvelle petite astuce, toujours d'après le site Cinépole Sud, pour se rendre au ciné dans les voies de bus. En fait, il n'y a pas trois bus pour y aller. Il y a trois bus. Tu choisis le bus que tu prends. Le temps que je comprenne, je viens de rater les trois un par un qui sont défilés sous mes yeux à une minute d'intervalle. Du coup, maintenant, faut que j'attende 20 minutes. Donc, spoiler, je vais vraiment, vraiment être en retard. Ah bon, bah dans 5 minutes, il est là. Comment ça, dans 5 minutes, il est là? Et con, lui, quoi. Money on my motherfucking mind. Je suis enfin dans le bus. Cette fois-ci, je devrais pas me tromper. Mon arrêt, c'est le terminus. Il y a environ 1000 arrêts jusqu'au terminus. Donc, on a le temps, hein, de se détendre. J'en peux plus. Je viens de descendre du bus. Faut que je trouve le ciné. Ça a commencé depuis 10 minutes, 12 minutes. Je ne savais pas du tout où est le cinéma. J'ai visité toute la métropole de Nantes. C'était plutôt joli. Je le rappelle, l'enjeu de tout ça étant un film de Jean-Marie Bigard. Ça semble mal parti. Bonsoir. Je voudrais une place pour Vive la crise s'il en reste. Oui, il en reste. Ouais, du coup, ce sera la salle 4 juste en passant. Ok, merci beaucoup. Ah, tu sais, ma chérie, je vivrai, je mourrai en tes mains. Je le jure. Par la force et le pouvoir de ton regard. Allez, merci. Merci. La purge, la putain de purge. J'ai fait une heure de route. J'ai passé une heure et demie dans cette salle. Partagé entre les fous rires nerveux et les soupirs intenses, c'était vraiment... c'était comme l'enfer, quoi. C'était pavé de bonnes intentions, mais putain, c'était nul. C'était nul à chier. Et j'aime pas être dans le bashing ou quoi que ce soit, mais mon Dieu, quoi. Le film, je sais même pas où je vais. Alors là, je sais pas où je vais, le bus, je sais pas où je dois le prendre. Mais là, il faut que je fuis le plus loin possible de cette salle de cinéma. Ça n'avait pas de sens, ça partait dans tous les sens. Il n'y avait aucune... J'ai même pas envie de parler de structure narrative et tout. Parce que Il n'y en avait pas. Il y avait 10 fois trop de personnages. Ce groupe de 10 personnages qui n'interagissent jamais entre eux, mais qui est pourtant présenté comme une espèce de famille un peu utopiste. C'est un film choral, il n'y en a pas un qui chante la même chanson. Les dialogues, c'est à base de... Alors, t'as Jean-Louis Dreyfus. Il passe son film à parler à tout le monde. Tu comprends pas la moitié de ce qu'il dit. De toute façon, quand tu comprends, il parle en citation, les mecs. Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Enfin, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Sur le trône le plus élevé du monde, nous sommes assis que sur notre cul. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À part que j'ai envie de me tirer une balle, je suis paumé en plein milieu de la campagne. Et putain, je... Mais c'était pour voir ça. J'ai loupé le début, mais j'ai eu l'impression de louper 3 heures. En fait, le film, il est méta. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un mec qui écrit le film au fur et à mesure. Enfin, j'ai loupé le début, donc peut-être que ça, on comprend dès le début, mais... Ah, putain, est-ce que ça, c'est un bus pour que je parte et que je fuis? 2 secondes. Soir, vous allez à Pyramide? Oui. Ok. Je suis désolé si ça semble complètement décousu, mais en même temps c'est ce que j'ai vécu pendant 1h30, le film est ultra décousu. Les scènes, les séquences se suivent sans aucune logique, les personnages, ils évoluent selon l'humeur du scénariste et du coup du personnage méta qui écrit l'histoire, sauf que les personnages ils sont aussi conscients d'être dans une fiction, enfin, et du coup ils influencent aussi l'auteur dans le fil de l'histoire. Aucun sens. Le film, il est ultra politique, il est ultra engagé. Déjà, il se passe après un mandat présidentiel de Marine Le Pen. Moi, je suis arrivé à la bourre, mais apparemment, ça s'est pas super bien passé. Et du coup, on a une espèce de Macron-like, c'est un petit peu rigolo dans le contexte, qui devient président, qui est un peu vu comme un sauveur. Enfin, les personnages du film, ils sont dans une philosophie complètement anarchiste. Ils passent leur temps à voler, à se bourrer la gueule, à faire vraiment ce que bon leur semble, quoi. Le film, il est aussi anti-religion. Plus ça avance, plus c'est prononcé jusqu'à la séquence finale, où ça se termine... Le dernier plan, c'est un enfant qui chante « Dieu n'existe pas, là là là là là !» Et genre, c'est aussi bien joué que ça. Et après, on voit Dieu, enfin... Mais en fait, c'est pas Dieu, parce que tout n'est que l'imagination. Bref, c'est l'enfer. À côté de ça, le film est profondément humaniste, mais profondément maladroit, parce que il est complètement misogyne. Une femme ne servant qu'à baiser, hein, c'est pas dit, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi, hein. Après, un film de Bigard et de ses potes, c'est pas si étonnant. Y'en a marre de dire qu'il faut de la croissance pour s'en sortir. La croissance, mais ça veut plus rien dire. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver le plaisir de vivre ensemble, quitte à gagner moins et à profiter plus de ce qui est gratuit. On veut partir à la quête d'un nouveau monde, à la découverte de la beauté, de la richesse, de toutes nos richesses, qu'elles soient culturelles ou intellectuelles, du goût des autres. On veut retrouver la qualité de la vie. Non. Et pas la quantité de bœuf qu'il faudrait pour faire du bouillon avec le lac de Genève. Ça fait putain d'1h30 que ça dure. Toujours en vrai que si vous voulez voir... Un grand-père qui mate le cul de sa petite fille muette. Un grand-père puceau qui va se taper une prostituée pour plus tard se marier avec. Enfin, 2 mecs qui deviennent gays parce qu'il y en a un qui n'a pas baisé depuis plusieurs semaines. Et du coup, ils se retrouvent dans le même lit. Donc voilà, ils deviennent gays, ils se marient. La scène suivante, hein, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a le personnage principal joué par Jean-Louis ou Jean, je ne sais plus quoi, Dreyfus. Je sais pas si c'est la réincarnation de Montaigne ou un mec qui se prend pour Montaigne. Bon, là, j'ai raté le début, on va dire que c'est expliqué au début. Jean-Marie Bigard et sa femme, ils ont aussi un fils. Qui se trouve une petite nana, et donc ils passent leur film à squatter la maison de leurs parents et à faire l'amour, et du coup à la fin ils se marient, ils ont un enfant, ça c'est leur arc narratif. Je sais pas ce qu'il faut en tirer. Il y a un personnage qui leur adresse la parole dans le film. Là je suis un peu posé, je suis un peu au calme. Je vais juste vous faire l'arc narratif de Jean-Marie Bigard dans le film. Voilà, pour vous montrer comment c'est compliqué de parler de ce film qui va dans tous les sens pour aller nulle part. Donc Bigard, on voit que c'est un mec qui est plutôt aisé. J'ai pas trop compris son travail, mais c'est un truc. Il travaille dans un truc important. Sauf qu'il se fait virer de son travail, ça le déprime. Du coup, il veut pas rentrer chez lui. Il est complètement révolté. Il rencontre le gros vagabond bohème / SDF qui se prend pour Montaigne dans un bar. En 3 lignes de dialogue, ils apprennent à se connaître. Ils se pour la gueule ensemble. Bigard, il décide de suivre le gros troubadour là dans le squat des pauvres. Il vit dans la rue plusieurs jours ou plusieurs semaines. La temporalité du film, elle est très étrange, donc on va dire plusieurs jours semaines. Un jour. Il fait les poubelles, Bigard il tombe sur sa femme qui l'attendait, qui avait pas de nouvelles de lui. Elle lui pose pas de questions, il rentre à la maison. Il aura jamais d'interaction du film avec ses 2 enfants. Il couche avec sa femme, elle est contente. Une autre scène, il recouche avec. Il arrive pas à bander ou quoi. La fin du parcours d'un des deux personnages principaux du film, c'est sa femme qui offre du Viagra à Bigard. Ouais, c'est l'évolution. Je sais pas ce que c'est censé raconter. C'est ça pour tous les persos, peut-être à part un. C'est 10 personnages comme ça, quoi. Ça veut dénoncer plein de choses. Ça veut raconter plein de choses. C'est blindé d'idées, ça, pour le coup. Il y a des idées. Mais tu sais pas raconter une histoire, monsieur réalisateur. J'ai oublié ton nom. No disrespect. Ou alors c'est un projet beaucoup trop ambitieux pour lui. Le film, il marcherait s'il s'inscrivait comme une espèce de fable un peu fantaisiste, un espèce de conte. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il a essayé de faire, mais alors, soit ça marche pas du tout, ou soit, enfin, moi j'ai pas eu le ressenti que c'était la volonté, rien n'est crédible, mais c'est pas comme dans un conte, où genre, rien n'est crédible, mais c'est crédible parce qu'on est dans le contexte du conte, là c'est juste que ça n'a pas de sens, c'est juste trois révoltés, qu'on écrit ça dans un café, complètement pété, un soir d'hiver, enfin, je vois pas ce podcast, cette soirée, vraiment, j'en peux plus, je suis à bout, je sais pas comment finir ça, je sais pas. D'un côté, j'ai envie de vous dire, n'y allez surtout pas. Sauf si tout ce que je viens de citer, ça vous donne envie et vous voulez voir ça. Mais dans ce cas-là, vous êtes fou. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, regardez-le rien que pour voir ce que c'est un film qui part dans tous les sens, un film mal fait, quoi. Concrètement, un film qui est mal fait. C'est clairement dans le top 10 des films les plus pourris que j'ai vus de ma vie. Et j'en ai vu des films pourris, des comédies françaises pas terribles. Et là, en plus, le truc, c'est qu'il y a concrètement, il y a plein d'idées qui auraient pu donner des bonnes choses. Tout ce que j'ai cité, en fait, ça aurait pu bien fait, ça aurait pu être cool. Et pas tout ça dans le même film, mais même, ça aurait pu être cool. Regardez-le quand même. Osef sur, ouais, sacrément, c'est sacrément Osef, mais c'est quand même une sacrée... c'est curieux, quoi. C'est très curieux. C'est très mauvais. Et vraiment, je le fais pas en mode bashing parce que c'est une comédie française ou parce que c'est avec Bigard ou quoi. J'en ai rien à péter. Moi, quand je me mets devant un film, j'essaie le plus vierge de tout préjugé possible. Je me suis sacrément fait violer, quoi. Bon, c'était un peu facile. Pardon. Pardon, André. Allez. Tu m'en sers un verre. S'il te plaît. Mets un verre à tout le monde. Ça va tourner. Et comme si toute cette soirée n'était pas assez absurde, en plein milieu, le film, il a bugué, il y a eu gros écran vert, on n'avait plus d'image, juste le son. Du coup, ils ont rallumé les lumières, ils ont mis 5 minutes à remettre le film en marche. Bon, bah voilà. L'écran, il est devenu vert. Il n'y a que le son. C'est super. Oh, c'est dommage. Hein. Putain. C'est vraiment la meilleure soirée de ma vie. J'ai essayé de relancer, ça n'a pas marché, du coup mon collègue est remonté là-haut là, du coup au niveau de la bécane et normalement ça devrait être bon. D'accord. Voilà, je reviens dans 5 minutes si vraiment il n'y a pas de... si c'est toujours pas relancé. Voilà. D'accord. Ah, voilà. On ne remet pas depuis le début. Bon, on va manger. La famille de 3 personnes qui étaient là dans la salle, parce qu'on était 4 en tout, dans la salle de cinéma, ils s'amusaient à parler au projectionniste qui essayait de recaler son film en lui disant ça on a vu, ah non, recule, là tu vas trop loin. Le mec s'est planté, il a fait défiler tout le film en accéléré, du coup on a vu toute la fin avant qu'il remette le film. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je pense que ce sera un film Osef dans tous les cas, je pense qu'on ne s'en rappellera pas, qu'il ne fera pas date. Autant, on m'appelle Gigrobot, on était 4 dans la salle aussi le jour de la sortie. Mais je pense qu'à moins que ce soit un film qui, grâce à Internet, ait une seconde vie, enfin, que les gens se penchent dessus. Celui-là, non, quoi. Et là, j'ai juste envie d'un tram pour rentrer chez moi, quoi. C'est l'enfer. Surtout que je dois prendre encore un autre tram après. Et après, il faut que je marche. J'ai fait tout ça. Et quelque part, c'est beau. Quelque part, c'était vraiment une belle expérience que cette soirée. Et en même temps, c'est vraiment probablement une des soirées les plus pétées de ma vie. Je vous fais des grands bisous, si je puis dire, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast de mieux que ça, tout mais mieux que ça. Allez, ciao. No, get money. Ah, il y en a marre de vos conneries là. Arrêtez. Non, je m'arrêterai pas. Plus exactement, je m'arrêterai que je l'aurais décidé.